de gomme vont sauter vers 7 heures. Un soir de mai selon l'ordinateur. Température égale, survie normale. Paris sous terre aux infos, tout fonctionne. À part un mur qui s'effondre à Charonne. Dans ce style de bataille, c'est un détail. N'oublie jamais notre île déserte, tant qu'on vivra dans des trous noirs, des égouts, des couloirs, on en a pour longtemps, longtemps. Suspend ton vol au temps du musico. C'est plus la peine qu'on tira pile face, quel des deux verra la surface. Bois l'eau qui suinte au mur, c'est pas le plus dur. Fais des enfants qui verront sans lumière, dont les enfants finiront par se faire. Les griffes au bout des mains, c'est pour demain. Meurs en racontant l'île déserte, la vie d'avant, les profondeurs, les avions, les couleurs, les chaleurs au printemps, les vents, dans tous les sens et les odeurs des sens. Ils bâtiront des buildings à l'envers. Oublieront l'infini, l'univers, et chercheront leurs signes dans les racines. Les boules de gomme deviendront légendaires, la vie des hommes un conte imaginaire. Plus rien de toi et moi ne restera. D'écouter les couloirs, même à travers le temps, j'entends ces petites oreilles pointées dans ton sommeil. Et ton corps nu, lointain, humanoïde, écartelé dans mon polaroïde, ton fils de vœux.